le jardin. On vous souhaite tout le... FPI, les 7h30, la revue de presse, Michel Bardou. Consternation, titre aujourd'hui Le Parisien. La Croix demande pourquoi. Pour Libération, c'est le choc et Le Canard enchaîné ose le chaos de Noël. Le contrôleur s'est servi de la petite Naïma comme d'un bouclier humain et l'a entraînée dans sa chute, nous dit Isabelle Poitevin dans Le Parisien. Serge Julie nous écrit dans son éditorial la stupeur qui a saisi toute la rédaction lors du visionnage de la fameuse cassette vidéo. Cette cassette est arrivée par la poste hier soir dans toutes les rédactions et montre le drame qui s'est produit mardi dernier à la station République, nous raconte Damien Pierrot dans Ouest France. La RATP nous a menti, n'hésite pas à écrire Camille Boyer dans L'Humanité. Pour Philippe Val, dans Charlie Hebdo, il y a de la démission dans l'air. Et Serge Julie craint une fracture sans précédent liée à des cafouillages politiques. Mais pour Le Figaro, la situation n'est pas si désespérée, puisqu'avec un peu de bonne volonté, ce gouvernement s'en sortira, affirme Jean Dorléfond. Dans La Croix, Jean-Michel Guérand, lui, est pessimiste. Privilégier la répression au détriment de la prévention, et voilà ce que l'on obtient. Pour lui, si le gouvernement ne réagit pas rapidement, il s'expose